dizaine d'hommes tiennent sans ville, sans retenue, famille dans le viseur, sans âme, sans cœur, sans visa. C'est de la drill, c'est de la trappe, nique ta mère, c'est que du rap, c'est du rap, c'est dur à faire, toi tu rates et tu râles. Je veux bête de yo, tu veux plus ramer, juste un seul doigt comme tu rames. Pour blanchir l'argent du raté, on compte sur l'argent du rap. Je t'ai donné mon cœur, t'es un bâtard, mais dans la vraie vie, je suis imbattable. Et ma troupe de barbares sur le dracar, on n'a plus rien à perdre comme à Bagdad. Elle m'a donné son cœur, je suis un bâtard, mais c'est ça la vraie vie, je suis imbattable. Mais des bâtons, je suis un battant, on n'a plus rien à perdre comme à Bagdad. Shade, petit fils de shade, pas peur de ton calibre, face au canon, on résiste la chaîne. Petit fils de shade, petit fils de shade, pas peur de ton calibre, face au canon, on résiste la chaîne. Y, ça y est, t'arrives à Lyon. PDP, tu connais où dégainer très rapidement les papillons. Mon but à moi, c'est acheter un meilleur qu'un pavillon. C'est pour ça qu'étant jeune, je ramenais de la salade dans des avions. Petit fils de chéri, des ZPZ, pas grandi dans un coin aisé. Il est 3h03 et j'ai plusieurs proches, viens du 6-9-0-0-3. 2-2-Y-M, petit fils de, c'est le thème. Je découpe, je recompte, check thème. Si j'ai en les gros, je les perds sympa. C'est réel, avec nous. Pas jouer les parrains, golf 8 prépage, déboulant de deux partout, s'il faut péter des tarins. Quand ça chauffe, c'est fils de pute par le mandarin. Je suis algérien, fils de marin, petit fils de shade, touche-moi, je te chaîne. Petit fils de shade, pas peur de ton calibre, face au canon, on résiste la chaise. Petit fils de shade, petit fils de shade, pas peur de ton calibre, face au canon, on résiste la chaise. Alger, Bebel, Webel, 60, je la rentre jusqu'à que tu la sentes. J'ai tellement de péché, je noie le poisson, H22 porte le croissant. J'ai de la salle à un foison, le poison, on le mélange à la poisson. Des temps des femmes qui font des rachels, qui se lèvent le spar pour le fagel. 2-2-Y-6-9-1-3. Petit fils de roi. Petit fils de roi.